Ésaïe chapitre 52. Réveille-toi, réveille-toi, Sion, revêt-toi de ta force, Jérusalem, ville de sainteté, revêt-toi de tes vêtements magnifiques, car l'incirconcis et le souillé ne passeront plus désormais parmi toi. Jérusalem, secoue la poudre de dessus toi, lève-toi, et t'assieds, défais-toi des liens de ton cou, fille de Sion, captive. Car ainsi a dit l'Éternel, vous avez été vendus pour rien, et vous serez aussi rachetés sans argent. Car ainsi a dit le Seigneur, l'Éternel, mon peuple descendit au commencement en Égypte pour y séjourner, mais les Assyriens l'ont opprimé pour rien. Et maintenant, qu'ai-je à faire ici, dit l'Éternel, que mon peuple ait été enlevé pour rien? Ceux qui dominent sur lui, le font hurler, dit l'Éternel, et ils ont fait continuellement chaque jour, que mon nom est blasphémé. C'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom, c'est pourquoi il connaîtra en ce jour-là, que c'est moi qui aurais dit, me voici. Combien sont beaux sur les montagnes, les pieds de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui apporte de bonnes nouvelles touchant le bien, qui publie le salut, et qui dit à Sion, ton Dieu règne. Tes sentinelles élèveront leur voix, et se réjouiront ensemble avec chants de triomphe, car elles verront de leurs deux yeux comment l'Éternel ramènera Sion. Désert de Jérusalem, éclatez, réjouissez-vous ensemble avec chants de triomphe, car l'Éternel a consolé son peuple, il a racheté Jérusalem. L'Éternel a découvert le bras de sa sainteté devant les yeux de toutes les nations, et tous les bouts de la terre verront le salut de notre Dieu. Retirez-vous, retirez-vous, sortez de là, ne touchez point à aucune chose souillée, sortez du milieu d'elle, nettoyez-vous, vous qui portez les vaisseaux de l'Éternel. Car vous ne sortirez point en hâte, et vous ne marcherez point en fuyant, parce que l'Éternel ira devant vous, et le Dieu d'Israël sera votre arrière-garde. Voici, mon serviteur prospérera, il sera fort exalté, et élevé, et glorifié. Comme plusieurs ont été étonnés en te voyant, de ce que tu étais ainsi défait de visage plus que pas un autre, et de forme, plus que pas un des enfants des hommes. Ainsi il fera rejaillir le sang de plusieurs nations, et les rois fermeront la bouche sur toi, car ceux auxquels on n'en avait point parlé, le verront, et ceux qui n'en avaient rien ouï, l'entendront.